Deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Or il arriva qu'après que le roi fut assis en sa maison, et que l'Éternel lui eut donné la paix avec tous ses ennemis d'alentour, il dit à Nathan le prophète, « Regarde maintenant, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite dans des courtines. » Et Nathan dit au roi, « Va, fais tout ce qui est en ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Mais il arriva cette nuit-là, que la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, en disant, « Va, et dis à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel, me bâtirais-tu une maison afin que j'y habite, puisque je n'ai point habité dans une maison depuis le jour que j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour, mais j'ai marché çà et là dans un tabernacle, et dans un pavillon. Dans tous les lieux où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, en ai-je dit un seul mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à laquelle j'ai commandé de paître mon peuple d'Israël, en disant, « Pourquoi ne m'avez-vous point bâti une maison de cèdre ?» Maintenant donc tu diras ainsi à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai pris d'une cabane, d'après les brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai exterminé tous tes ennemis de devant toi, et je t'étais un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'établirai un lieu à mon peuple d'Israël, je le planterai, il habitera chez soi, il ne sera plus agité, et les injustes ne les affligeront plus, comme ils ont fait auparavant, savoir, depuis le jour que j'ai ordonné des juges sur mon peuple d'Israël, et que je t'ai donné du repos de tous tes ennemis, et que l'Éternel t'a fait entendre, qu'il te bâtirait une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu te seras endormi avec tes pères, je susciterai après toi ton fils, qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à jamais. Je lui serai père, et il me sera fils, que s'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec une verge d'homme, et de plaie des fils des hommes. Mais ma gratuité ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai ôté de devant toi. Ainsi ta maison et ton règne, seront assurés pour jamais devant tes yeux, et ton trône sera affermi à jamais. Nathan parla ainsi à David, selon toutes ses paroles, et selon toute sa vision. Alors le roi David entra, et se tint devant l'Éternel, et dit, « Qui suis-je, ô Seigneur éternel, et quelle est ma maison, que tu m'aies fait venir au point où je suis ? Et encore cela t'a semblé être peu de chose, ô Seigneur éternel, car tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long temps. Est-ce à la manière d'agir des hommes, ô Seigneur éternel ? Et que te pourrait dire davantage David ? Car, Seigneur éternel, tu connais ton serviteur. Tu as fait toutes ces grandes choses pour l'amour de ta parole, et selon ton cœur, afin de faire connaître ton serviteur. C'est pourquoi tu t'es montré grand, ô éternel Dieu, car il n'y en a point de tel que toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, la seule nation de la terre que Dieu est venu racheter, pour en faire son peuple, tant pour s'acquérir à lui-même un grand nom, que pour vous acquérir cette grandeur, et pour faire dans ton pays devant ton peuple, que tu t'es racheté d'Égypte, des choses terribles contre les nations et contre leurs dieux. Car tu t'es assuré ton peuple d'Israël, pour être ton peuple à jamais, et toi, ô Éternel, tu leur as été Dieu. Maintenant donc, ô Éternel Dieu, confirme pour jamais la parole que tu as prononcée touchant ton serviteur, et touchant sa maison, et fais comme tu en as parlé. Et que ton nom soit magnifié à jamais, tellement qu'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de David ton serviteur demeure stable devant toi. Car toi, ô Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait entendre à ton serviteur, et tu lui as dit, « Je te bâtirai une maison », c'est pourquoi ton serviteur a pris la hardiesse de te faire cette prière. Maintenant donc, Seigneur éternel, tu es Dieu, tes paroles seront véritables, or tu as promis ce bien à ton serviteur. Veuille donc maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit éternellement devant toi, car tu en as ainsi parlé, Seigneur éternel, et la maison de ton serviteur sera comblée de ta bénédiction éternellement.